Alors donc, nous continuons cette série où nous explorons le travail de l'Esprit-Saint dans l'Église, dans nos vies privées. Et ce que je remarque, c'est que lorsque l'on fait des études spéciales comme ça, c'est toujours beaucoup plus de travail pour le pasteur, dans le sens que c'est un combat parce que les versets se retrouvent partout à travers la Bible, plutôt que de se concentrer sur un texte précis. Et je crois, entre vous et moi, que la Bible a été conçue pour être lue, enfin, un livre au complet, et non pas aller chercher des bribes. Alors, je lève mon chapeau à ceux qui, chaque semaine, pendant 20 ans, enseignent des enseignements topiques, comme nous faisons en ce moment. Mais c'est un bon travail pour moi, et c'est bon pour nous d'apprendre à connaître où sont les versets dans la Bible. Alors, on va vous faire tourner aujourd'hui, on va vous faire bouger à gauche, à droite. Nous sommes encore dans les dons de service. Alors, on parle des dons de l'Esprit, c'est quoi? C'est un don de l'Esprit, c'est une capacité surnaturelle qui nous permet d'aider le corps du Christ, d'aider les gens autour de nous et d'édifier l'Église. Voilà, c'est quoi un don spirituel? Nous sommes dans les dons de service, donc c'est des dons qui nous servent à servir. Tiens, pléonasme. Le titre aujourd'hui, soyez encouragés, heureux. Les miséricordieux. Heureux les miséricordieux. Seigneur, nous voulons être encouragés et nous voulons être heureux, deux choses qu'on a en commun avec ce titre. Souvent, on se sent down, on se sent déprimé, on se sent écrasé. Et on sent que les gens manquent de miséricorde, de pardon, de compassion par rapport à nous. Et nous-mêmes, on sent qu'on manque aussi de compassion par rapport aux autres. Et on a besoin, Seigneur, que Tu nous énergises dans notre capacité d'être plus comme toi. Nous disons énergémata, Seigneur, que l'Esprit Saint nous donne le jus nécessaire à devenir plus comme toi, Christ. Plus comme toi pour les autres et plus comme toi pour nous, pour nous-mêmes. C'est en ton nom, au nom de Jésus, que nous prions. Amen. Nous allons regarder deux dons aujourd'hui. On va filer, il y a du stock en masse, comme on dirait. On va regarder l'exhortation et la miséricorde, l'exhortation et la miséricorde. Il y avait un petit garçon qui était toujours en train de se faire ramasser par le directeur, par le professeur. C'était un petit bonhomme à problème à l'école. Alors, le directeur appelle une autre fois le papa de ce garçon-là, et le papa vient à l'école, s'assoit derrière le bureau ou devant le bureau du directeur. Et encore une fois, il s'attend à se faire dire des choses absolument terribles par rapport à son enfant, ou au moins problématiques. Et il se prépare dans sa tête, comment je vais le défendre, qu'est-ce que je vais dire, comment je vais l'excuser. Il est prêt à recevoir ça. Et le directeur s'arrête et parle au papa et dit, votre fils, et il liste 10 des plus belles qualités qu'il a vues en ce petit garçon-là. 10 des belles choses que ce petit bonhomme a amenées à l'école, 10 avantage d'avoir ce garçon-là dans la classe de Mme Untel. Et le monsieur dit, bon, oui, d'accord. Bon, est-ce que maintenant, vous pouvez me donner la liste des problèmes? C'est pour ça que je suis ici, non? Et le directeur lui dit, non, c'est tout ce que j'avais à vous dire, ces 10 choses-là. Le papa s'en va, évidemment, et il raconte ça à son fils. Il parle avec son fils. Et on dit que son fils, à ce moment-là, aurait changé son comportement assez radicalement, du jour au lendemain. Ayant compris qu'il était aimé, qu'il était encouragé, que oui, c'est un bonhomme à problème, mais que les belles choses en lui avaient été mises à nu, élevées. C'est ça le don de l'encouragement. C'est d'aider des gens qui souffrent, qui sont à terre, qui sont écrasés, qui ont besoin, quoi, d'encouragement. Le mot est parakaleo en grec. Parakaleo, encouragement ou exhortation. D'ailleurs, on va regarder tout de suite dans votre Bible, dans Romains, chapitre 12, verset 8. Romains 12, 8. Deux passages clés des dons de l'Esprit, 1 Corinthiens 12 et Romains 12. Romains, livre extraordinaire du Nouveau Testament, après les quatre évangiles et Actes. Romains, chapitre 12. Si vous n'avez pas de Bible, il y en a devant vous sur les sièges. C'est important de suivre, savoir que je n'invente pas cela. Sait-on jamais. Verset 7, disons. Romains 12, 7. Si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service, que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement. celui qui exhorte à l'exhortation. C'est bien simple. Que celui qui donne le fasse avec simplicité, celui qui préside avec empressement, celui qui exerce la miséricorde avec joie. Donc, celui qui exhorte à l'exhortation, en deux mots aussi, vous êtes appelé à exhorter, faites-le. Pas compliqué, faites-le. Exhorter. C'est le don de fortifier. Fortifier quelqu'un qui a besoin d'être encouragé, d'être édifié. Bon, ça c'est clair, encouragement, on sait c'est quoi. Mais, bibliquement, c'est autre chose aussi. C'est encourager et stimuler, attention, quelqu'un à obéir à des vérités bibliques qu'il connaît déjà. Ça, ce serait malheureusement vous et moi. Oh. Parce qu'on connaît des choses bibliques, parce qu'on a entendu des prêches, parce qu'on a déjà lu ceci, à ce moment-là, vous devez être encouragé à obéir, à activer les vérités de Dieu dans vos vies. C'est ça, le don de l'encouragement ou de l'exhortation. C'est quelqu'un qui vient et qui dit, tu sais, j'ai vu quelque chose dans la Bible. Essaye ça. Tu vas voir ça. Ça va changer ta perspective. Vous allez voir dans un instant que c'est bien différent. La Bible dit, fais ça. Ça, c'est un autre don. Et celui-là, on l'a tous. La Bible dit, pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. Bon, c'est facile, évidemment, de l'écouter. D'ailleurs, les églises ici, bon, c'est plus petit parce que ça prend un effort considérable pour venir à l'église à Montréal. Alors qu'aux États-Unis, dans un autre contexte, les gens vont à l'église parce que ça fait partie de leur culture. Bon, il y a beaucoup de gens qui sont là, qui écoutent de très bonnes prêches et qui n'appliquent pas la parole. Luther, qui est le père de la réforme en Allemagne, disait, l'enseignement, c'est pour les ignorants, ce serait moi, et l'exhortation, c'est pour ceux qui connaissent déjà beaucoup. Intéressant. Enseignement, c'est pour les ignorants, l'exhortation, c'est pour ceux qui connaissent déjà beaucoup. L'exhortation, c'est pas un rôle particulièrement complexe où il faut aller rechercher, puis comprendre, puis... C'est très, très simple. C'est avoir la bonne parole au bon moment. D'ailleurs, l'exhortation peut venir de toutes sortes d'endroits. Ça peut venir de la chair, ici, le nom de ce petit morceau de bois. Ça peut venir à travers l'enseignement auprès des enfants. Au moment où on se parle, il y a des enseignements en bas. Ensuite, la relation d'aide, ça peut se faire dans ce contexte-là. Mais aussi de toutes sortes de façons. « Hey, comment ça va? Ah, ça va plus ou moins bien. C'est ça qui se passe dans ma vie. Ben, tu sais, hey, je vous disais ça, ça m'a fait du bien. Wow, tu m'as exhorté. Tu m'as donné l'espoir. » Ce n'est pas le don de la relation d'aide. Ah, toi, tu as le don de la relation d'aide, le don de l'exhortation. La relation d'aide, ce n'est pas un don. C'est un processus. Un processus qui amène celui qui fait la relation d'aide à, en espérant connaître la Bible, et à l'appliquer à un problème spécifique. J'ai eu l'occasion d'en faire beaucoup au Nouveau-Mexique, j'en fais un peu moins aussi, mais sachez que je crois, et nous croyons en mouvement Calvary Chapel, que la relation d'aide fait partie du ministère, fait partie du pastorat. Si vous avez besoin de parler, vous pouvez vous parler les uns aux autres, vous encourager les uns les autres, prendre un café, mais vous pouvez aussi m'appeler. Les numéros de téléphone sont sur chacun des petits pamphlets et je suis là pour vous aider bibliquement à avancer dans un problème spécifique, une situation particulière. Voilà, c'est ça la relation d'aide. Ce n'est pas nécessairement la même chose que l'exhortation, mais souvent l'exhortation, j'espère, ça se fait durant la relation d'aide. Hein? Bon, il y a une progression dans les dons de l'esprit. On a parlé de ça, on en parle depuis plusieurs semaines. Il y a une progression. On n'a pas vu encore la prophétie, mais la prophétie proclame la vérité. On verra ça un petit peu plus tard. Mais le don de la connaissance, on en a parlé, clarifie la vérité. On est tous à la recherche de la vérité. Les Québécois sont très forts là-dessus. C'est quoi la vérité? C'est quoi la liberté? Tous ces concepts merveilleux, parfaits. Et là, il faut savoir qu'est-ce que la Bible dit. La connaissance clarifie la vérité. On a parlé du don de la sagesse. Le don de la sagesse applique la vérité. Ensuite, l'enseignement nous permet de comprendre la vérité. Et finalement, l'exhortation nous dit, applique-la à la vérité. Pas compliqué. Mets-la dans ta vie. Tu vas voir, ça va changer la façon dont tes relations humaines avec tes parents, avec tes amis, avec ceux que tu aimes. C'est ça l'exhortation. 1 Thessaloniens 4.1. Suivez-moi là, dans ce petit livre de Paul. 1 Thessaloniens, qui est un petit peu plus à votre droite de Romains. 1 Thessaloniens chapitre 4, verset 1. Et si vous avez votre titre ou sous-titre dans votre petite Bible, ça dit ici « Exhortation à la sainteté ». Exhortation à la sainteté. 1 Thessaloniens, chapitre 4, verset 1. « Au reste, frères, nous vous le demandons et nous vous y exhortons dans le Seigneur Jésus. Vous avez appris de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu D'ailleurs, vous le faites et bien progressez en